Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. On va parler des Québécois, évidemment, qui évoluent dans le baseball mineur. L'autre jour, on a parlé avec Abraham Taureau. Là, maintenant, on va parler avec Benjamin Pelletier, qui évolue avec la filiale A des Phillies de Philadelphie. Il joue au champ gauche. Salut, Benjamin. Salut, ça va bien? Ça va bien. Benjamin, je regarde ta saison jusqu'à maintenant, 293 de moyenne. Donc, ça va très, très bien. Puis Jacques Lanciot mentionne souvent ton nom, un coup sûr de Benjamin Pelletier, deux coups sûrs. Donc, ça va quand même assez bien, là. Ouais, ça va bien, c'est sûr. Je m'ajuste à chaque jour, puis jouer à chaque jour, c'est sûr, ça m'aide un peu, là. OK. Là, tu étais venu à Williamsport, c'est ça? Est-ce qu'on peut comparer ça à Lansing pour les gens qui suivent les Blue Jays, les filiales des Jays, puisque moi, je suis beaucoup les filiales des Jays. Est-ce que c'est comme l'équivalent de Lansing, à peu près? Je sais pas c'est quoi le niveau des Blue Jays, mais c'est le... Le A avancé, c'est-tu le A fort, mais... Short season. OK, donc c'est-tu le A fort juste avant d'arriver... C'est-tu le A fort juste avant d'arriver au gros A, c'est-tu ça? Non, c'est l'autre d'avant. C'est l'autre d'avant, OK. Puis est-ce que... Ouais. 293, donc ça va très, très bien. Est-ce qu'on a parlé un peu de te monter à... c'est quoi les habitudes des Félix de voir que jusqu'à maintenant ça va bien ou tu t'attends de compléter la saison avec Williamsport? Pour vrai, je sais pas ce qui peut arriver. Tout peut arriver, puis si je continue à travailler, c'est sûr que les opportunités vont s'offrir à moi. Mais pour l'instant, j'essaie pas de penser à ça. J'essaie juste de penser à ma saison, puis essayer le mieux possible. OK. Jusqu'à maintenant, t'as un circuit. T'es-tu un frappeur de coup sûr ou t'es un frappeur quand même qui est capable de frapper la longue balle? C'est sûr, je suis capable de frapper la longue balle, mais... Pour l'instant, j'essaie de pas penser à ça. Je suis plus un frappeur de gap qui gap, comme on dit, dans les entrechamps. OK. Puis, des line drives un peu plus souvent, puis c'est ça. OK. Qu'est-ce qui te reste, je te dirais, peut-être à améliorer? C'est ton coup de bâton, ton œil au bâton? C'est quoi qui reste? Juste mon approche au bâton, un peu, peut-être. OK. OK. Ben, ouais. Comment ça va l'équipe cette année, Williamsport? Parce que les filiales des Phillies, ils ont été longtemps dans la cave, donc là, ils vont bien, surtout au premier rang. Est-ce que ton équipe à Williamsport, est-ce que ça va bien? Mon équipe, ça allait bien au début de la saison. Okay. On a eu des petits changements de joueurs qui sont allés, d'autres qui sont venus à cause du draft. On a eu un petit peu de misère dans le bullpen, un bout, mais là, je pense que ça commence à se passer. Tout le monde, ça fait quelques jours qu'ils sont là, fait que ils commencent à se passer aujourd'hui. On a commencé à frapper à la balle un peu plus, fait que okay. On a eu une série de 7 défaites, puis c'était pas le meilleur, mais on commence à se reprendre. OK. Benjamin, il y a des joueurs qui étaient un choix de 34e ronde. Souvent dans le baseball mineur, c'est les dépisteurs mettent beaucoup de pression pour faire avancer son joueur. Est-ce que toi, 34e, le fait que tu étais repêché en 34e ronde, c'est quand même très loin, là. Je pense qu'il y a quoi? Il y a 40 rondes au baseball. Est-ce que ça, tu t'en souffres ou vraiment t'as beau avoir été repêché en 34e ronde, t'es regardé comme un autre joueur qui est peut-être repêché en 2e ronde? Ben c'est sûr que les rondes là, après que tu sois repêché et que tu fais tes années dans le baseball mineur, ça a plus vraiment rapport. Là. C'est vraiment avec tes performances. Comment tu te reformes dans le game. Si tu performes puis l'autre joueur de première ronde performe pas, tu sais, les rondes n'ont aucun rapport. Ouais. Là, puis c'est vraiment juste avec tes performances puis comment t'aides l'équipe. OK. Benjamin, ben évidemment, on va te souhaiter la meilleure des chances dans l'organisation des Phillies de Philadelphie et au plaisir de se reparler. Ben, merci beaucoup. Voilà, Benjamin Pelletier qui évolue avec Williamsport dans le A4 filiale des Phillies de Philadelphie.